j'ai tant de choses à voir. L'été arrive, la saison passe, c'est toujours la même histoire, le même cinéma. Oh, on m'attend là-bas, on m'attend là-bas, dans un autre monde, on m'appellera. Et on m'attend là-bas, dans un autre monde, une autre galaxie, dans une île, partout dans les continents. Oh, on m'attend là-bas.